Malheureusement, nous ne sommes plus que des survivants. Il faut s'exiler, tourner en rond dans son panier. Malheureusement, nous ne sommes plus que des survivants. J'ai pas vu venir la crise de l'Empire. Malheureusement, nous ne sommes plus que des survivants. Il faut bien trouver autre chose pour exister. Malheureusement, nous ne sommes plus que des survivants. Il y a bien longtemps, j'ai vu dans les champs des cigognes qui s'envolaient, des lièvres et des sangliers.